Va dire au boss qu'on a changé. Je reprends le raté s'il veut se ranger. Si c'est pas pour du bif, faut pas déranger. Je veux pas du salaire ton boulanger. J'ai changé de vie, j'ai volé. J'étais à deux doigts de me cracher. Champion du bando, je suis frais. J'ai mis la tenue et le polo Versace. T'avances pas trop quand t'es endetté. C'est dans la merde que je veux sortir mes pieds. Le sale, c'est notre métier. Entre nous, tu sais qu'il n'y a pas d'héritier. Le poteau vient de se faire fumer. Je verse une larme, ça fait pitié. Un temps d'arrêt, la vie continue. C'est un nouveau jour dans la cité. C'est là où j'ai grandi. Entouré de morts de bandits. J'monte à la charge, vais courser Bambi. J'entends les sirènes qui retentissent. J'entends les sirènes qui retentissent. J'ai la solution en temps de crise. Remonte sur l'autoroute à fond. Coffee, j'ai char dans la 106. J'suis dans les bails, les je j'me fais courser par la flicaille. Un qui bouge, on fait parler le métal. Y'a que les salopes qui jouent les patrons. Sur le terrain, on s'y met pour des pesos. Des pesos, des pesos. Donc j'fais pas de mon mieux, j'fais ça comme il faut. Comme il faut, comme il faut. Pour faire du bon pain, on a l'antidote. L'antidote, l'antidote. Il faut te méfier de l'eau qui dort. L'eau qui dort, l'eau qui dort. Le poteau vient de se faire fumer. Je verse une larme, ça fait pitié. Un temps d'arrêt, la vie continue. C'est un nouveau jour dans la cité. C'est là où j'ai grandi. Entouré de morts de bandits. J'monte à la charge, vais courser Bambi. J'entends les sirènes qui retentissent.